Oui, monsieur, je crois que vous serez satisfait. Et nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Oh, Morgan, il faut tirer l'échelle à Prestila. Et tous les autres ne sont pas dignes de l'y déchausser ses souliers. C'est un homme qui fait des cures merveilleuses. Gary, des gens qui étaient en mort. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il est des moments où son esprit s'échappe. Et il ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner. Il en dirait par point, ne s'en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Tantissibou, tu parles tout feindré comme s'il lisait dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici et tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir, faites-le-moi vite venir. Je le vais guérir. Par ma fille, monsieur, Stissi fera justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si que mi. Et la meilleure médecine que l'on pourrait bailler à votre fille, ce serait, selon moi, un bio et bon mari. Pour qui a lu de l'amitié. Oui, nourrice mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous, notre ménagère Jacqueline, ce n'est pas à vous, à bouter la votre nez. Je vous disais, vous douze, que tous ces médecins n'y feront rien que de lier au clair. Que votre fille a besoin d'autre chose que de ribarber de séné et qu'un mari est une emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Et quel en est-on maintenant qu'on s'en voulut charger, avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessein de la mariée, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je le crois bien. Vous lui vouliez boyer une homme qu'elle n'aime point. Que preniez-vous ce monsieur Liandre qui l'y touchait au cœur? Elle aurait été fort obéissante et je m'en vais gager qu'il la prendrait, lui comme elle est, si vous la lui vouliez donner. Ce Liandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a une oncle qui est si riche, dont il est héritier. Tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'y a rien tel que ce qu'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours « Qu'a-t-il et qu'a-t-elle ?» Et le compère Biard a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de vin qu'il avait davantage que le jeune Robin, où elle avait bouté son amitié. Et v'là que la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin et n'a point profité tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un bon mari qui lui fût agréable que toutes les rentes de la bios. Peste, madame la nourrice, comme vous dégoisez. Taisez-vous, je vous prie, vous prenez trop de soin. Et vous échauffez votre lait. Morguette, toi, t'es une impertinente. Monsieur n'a que peur de tes discours et c'est ce qu'il a à faire. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur est le père de sa fille. Et il est bon et sage pour voir ce qu'il lui faut. Tout doux, oh, tout doux. Monsieur, je veux un peu la mortifier et lui apprendre le respect qu'elle vous doit. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires.